micro, de condescendance un peu, et c'est, je retrouve un peu le discours qui avait été porté sur Nuit Debout au départ, qui disait mais attention, vous voyez beaucoup de gens de banlieue à Nuit Debout, et en vérité tu parlais avec les gens et tu te rendais compte que il n'y avait pas grand monde, enfin il y avait peut-être une moitié ou un tiers qui venait de Paris, et les autres qui venaient effectivement des pourtours de Paris. Mais par contre, quand on disait quelqu'un de banlieue, en fait on parle d'un quelque chose bien précis, c'est un visage noir ou arabe, etc. Donc il y avait aussi un certain nombre de clichés qui étaient portés, et un certain nombre de points de référence qui étaient portés à ça. Je ne suis pas si loin, hein, parce que c'est toujours un peu par rapport à un environnement dans lequel on est, par rapport à une zone de confort, par rapport dans laquelle on est et dans laquelle on identifie des critères de reconnaissance sociaux, qu'on identifie ce qui est pas la fiche, il manque la fiche. Ah. 17h, répétition orchestre debout. À 19h, concert orchestre debout. Il y a aussi une assemblée constituante à 17h. Venez l'organiser. Un débat ouvert, en fait, on discute du livre de Damasio sur la zone du dehors. Donc, en fait, tu voudrais réagir sur ce qu'il a dit. Oui, enfin, on est parti à parler de zone du dehors, zone de confort. À la base, on parlait du bouquin de Damasio, qui est un bouquin de science-fiction politique, et donc qui discute de choses de très politiques, où le dedans, c'est une ville qui est sur un satellite de Saturne, et donc qui est scellé par un dôme dans lequel il y a de l'air respirable. Et la zone du dehors, c'est justement c'est ce qu'il y a en dehors du dôme, et donc c'est un peu type genre ce qu'on voit sur Mars, quoi, c'est-à-dire des pierres, pas il n'y a pas d'atmosphère. Et donc le dehors, il est compris comme zone extrêmement hostile, et dans laquelle on ne vient pas avec aussi des animaux qui peuvent être dangereux, et on ne va pas dans le dehors pour imposer son truc à d'autres. Il y a aussi l'idée dans Damasio, dans la zone du dehors, c'est aller vers l'inconnu. Réellement, essayer de créer quelque chose de tout à fait nouveau. Donc pas en essayant de laisser de côté toutes les perceptions, ouais, en se disant c'est bien, c'est mal, je vais faire ci, je vais faire ça. Juste, super. Tu te projettes et puis tu vois ce que tu peux faire à partir de tout ça. Donc, voilà, j'ai ramené la question du dehors sur quelque chose de très politique. C'est vrai qu'on peut parler de l'individu. C'est à travailler au sein de chaque individu, mais on a aussi quand même le dehors. C'est facile de dire voilà, il y a le dehors de toute chose, l'individu, la société, machin, mais on a quand même quelque chose qui domine de manière écrasante l'ensemble des sociétés humaines. C'est quand même le monde capitaliste qui est devenu ultralibéral. Et la grande question, et puis là on a le truc, on a l'élection de Macron, qui a une chambre pas possible à l'Assemblée nationale, qui a tous les pouvoirs, qui a une police extrêmement puissante, qui n'a pas encore accès. Mais quand est-ce que l'État français aura accès à une base de big data où il y aura toutes nos données Facebook, machin, qui sont déjà collectées, hein. C'est juste qu'ils n'ont pas encore les ordinateurs assez puissants et les droits pour tout rentrer dans leur ordinateur et tout calculer sur les différents individus et sortir leurs statistiques. Mais on est quand même devant quelque chose qui domine énormément, et on peut se dire, mais comment sortir de ça? Alors bien sûr, dans le bouquin de Damasio, c'est facile, c'est on sort de Cerclon, on va créer nos propres communautés en dehors du truc. Mais nous ici, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce monde où tout est dirigé, tout est contrôlé. Voilà, c'est aussi une réflexion vis-à-vis de la zone du dehors, c'est aussi une zone qui échappe à la société du contrôle. C'est aussi ça que je voulais développer, c'est comment échapper à la société du contrôle qui s'annonce. Pour rebondir sur ce que tu dis et ce que j'ai trouvé génial dans le bouquin, c'est que ça montre bien que la résistance, elle n'est pas seulement contre un pouvoir ou une lutte. C'est pas seulement résister contre des gens, là dans ce bouquin, c'est tout le temps, c'est aussi résister contre soi. Enfin, par exemple, quand il dans cette ville géniale où tout est confortable, c'est une ville où c'est la ville du moindre effort. Donc c'est une ville, par exemple, si tu as une côte, on te dit surtout ne pas prendre la côte en vélo, tu vas t'essouffler, tu risques d'avoir une crise cardiaque. Donc prends l'escalator ou je sais plus quoi. Et surtout, ne fais pas trop d'efforts physiques parce que tu risques de claquer ou de faire du mal. Donc là, ça implique que le mec, il choisit clairement de prendre son vélo et de grimper et d'avoir des courbatures et de se faire mal, de transpirer. Mais sauf que dans notre vie aujourd'hui, personne ne nous impose de prendre l'escalator plutôt que les escaliers. Et tout est comme ça. Enfin, et c'est ça que j'ai trouvé super intéressant. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu lis, enfin, s'il y en a le temps, mais à la fin, il y a une lettre qui est destiné à Sarkozy, je crois, ou qui est juste après l'élection de Sarkozy, qui est absolument génial. Et justement, il dit bien que c'est à nous de bouger en interne, de faire l'effort contre le confort. Quand tu parlais de pour découvrir une ville, il faut se perdre. C'est évident que pour découvrir une ville, si on a un smartphone et qu'on n'est jamais perdu et qu'on n'a jamais besoin de demander à personne son chemin, on la voit que par rapport à un guide touristique, etc. Mais si on se perd, moi je me suis perdu plein de fois dans plein de villes où je parlais pas la langue, etc. Bah déjà, effectivement, ça te fait expérimenter quelque chose qui est assez particulier. Tu vas voir des gens pour qu'ils t'aident à te retrouver. Enfin, c'est tout un tas d'imprévus, de hasards, de rencontres qui sont indispensables pour... enfin, qui me semblent très, très, très indispensables. Mais il y a plein de gens qui détestent justement se sentir perdus. Enfin, ils font tout pour ne pas se sentir perdus. Et éviter l'arrêt cardiaque. Oui, on discute du livre de Damasio, La zone du dehors. Mais allez-y, tout n'importe qui peut prendre la parole, hein. Vous levez la main et je vous passe le micro. Continue de rester dans cette zone de confort. Pourquoi elle ne ressent pas le besoin de sortir de cette zone de confort. Et du coup, ça m'amène à penser, ceux qui ont envie de sortir de cette zone de confort, est-ce qu'ils ont besoin de ceux qui veulent rester? Ça veut dire que voilà. Les gens, quand ils reçoivent la première notification, ils voient ça. Et par contre, quand tu changes le nom... Alors en fait la question que tu poses, c'est la question que se pose Damasio. C'est ce qu'il élabore dans la dimension littéraire du bouquin, c'est-à-dire les différents personnages, leur relation au monde, les stratégies et tout ça. Il montre comment... Alors attends, d'abord pour répondre, pour être très simple, pourquoi est-ce que la majorité ne veut pas sortir de sa zone de confort et autres? Bon, déjà ils sont dans une zone de confort, donc le confort c'est très bien, on n'a pas forcément envie d'en sortir. Et puis après, on a toutes les dynamiques, toutes les structures de contrôle et de toute la propagande. Qui va dire aux gens le monde dans lequel vous êtes, il est comme ça. Il y a tout le discours issu chrétien, religieux qui dit de toute façon c'est la fatalité, c'est comme ça, accepte-le. Et puis il y a tous ceux, tout le truc côté McDo c'est génial, regardez, il y a l'Euro 2016, ah, c'est génial, on va gagner. Puis regardez, il y a toutes les distractions, toute la société du spectacle, tout ça qui s'est mis en place et qui se renforce et qui est extrêmement puissant. Et qu'on ne ressent peut-être pas forcément autant en France que dans d'autres pays du monde, notamment aux États-Unis et autres, où vraiment on a On a une véritable idéologie qui est extrêmement forte et qui marche sur plein de niveaux. On a le spectacle, on a l'économie, on a la pornographie, on a énormément de choses qui jouent là-dessus, la religion et autres. Donc voilà, et ça, on a des moyens massifs extrêmement puissants qui sont mis en œuvre pour maintenir ce système-là. Ensuite, comment faire pour rallier un maximum? Bon, dans le bouquin, à la fin, ce qu'ils font, c'est que oui, en effet, ils arrivent à sortir de, ils sortent de la ville, du dôme, et ils construisent des villes à eux dans la zone du dehors. Bon, t'imagines qu'il faut des milliers de personnes pour ça. Donc, à un moment donné, voilà, on a plein de gens qui se lèvent. Alors, le bouquin, il se fixe sur quelques individus, notamment sur un individu. Et donc, on ne voit pas, on ne perçoit pas très très bien ce qui se passe dans l'ensemble de la société de Cerclon. Mais il y a une transformation. Et ça, c'est ce qui a étudié dans le bouquin, à mon avis, ce qui est intéressant. On a par exemple un personnage qui s'appelle Camio, qui lui n'est pas du tout porté, lui il est plutôt Molt, mais il a rejoint la Volt quand même. Et lui, il n'est pas du tout pour les actions violentes. Toutes les actions d'éclat violentes et autres, il est très critique, il considère que c'est pas bon, que pour l'opinion, ça va mettre tout le monde contre la Volt, c'est très mauvais. Et ce qui fait Camio, c'est que lui, il passe son temps dans les salons de speed dating qui sont organisés dans la ville. Et il lâche son discours politique en permanence. Et il fait de la propagande. Il fait de la propagande tout le temps. Et il y a aussi la Molt qui est très critiquée, qui continue à faire sa petite propagande molle. Mais au final, on a... moi, ce que j'ai vu dans le bouquin, c'est que il n'y a pas de contradiction. Oui, il y a de la contradiction, il s'échauffe. Oui, c'est pas bien ce que vous faites. Il y a de la... Ça débat au sein du groupe politique. Mais... il n'invalide pas les façons de faire des uns et des autres. Et donc à la fois, la Volt, elle est rejointe par des jeunes qui ont envie de casser le système, mais aussi par des gens un peu plus timorés, mais qui, notamment par le détournement de pubs et toutes ces choses-là, finissent par développer une sympathie progressive. Donc voilà, le message aussi dans le bouquin, c'est consiste à dire que les différentes formes d'action, de propagande et autres ne se neutralisent pas les unes les autres. C'est ce que j'ai retenu un peu du bouquin. N'hésitez pas à intervenir, hein, faites un signe, je vous passe le micro. On est sur le bouquin de Damasio, la zone du dehors, donc on fait un débat là-dessus aussi, de quelle façon ça peut éclairer ce qui se passe en France et aussi ce qui se passe pas. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez réagir. Oui, allez-y. Bonjour, je pense que ce bouquin a raison quand il dit que ce dont on peut encore parler librement sans être automatiquement rangé parmi les complotistes les extrémistes potentiels ou susceptibles de violence, finalement, se rétrécit comme une peau de chagrin des décennies et des décennies. Et que finalement. Tout est fait pour nous maintenir de plus en plus dans la pensée correcte, dite correcte en tout cas, même quand elle est totalement incorrecte. Ce que Snowden a fait, c'est de sortir de sa zone de confort, après avoir parlé longuement avec ses collègues, mais en disant, voilà, dans quelle pièce on joue finalement, qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Et il s'est dit, j'ai pas de crédit pour une maison, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de femme, eux tous sont entravés par ce lien, c'est à moi de le faire. Et il savait qu'il risquait sa vie, il savait qu'il pouvait être échangé par un État qu'il aurait reçu, il savait qu'il pouvait y arriver n'importe quoi, à n'importe quel moment, et finalement il a eu un discours assez christique en disant ben, il n'y a pas de bonnes actions dans la mesure où l'action en conscience, elle va dépasser ce qui est permis, qui ne soit une prise de risque. Et on a perdu l'habitude de prendre des risques, surtout quand on a quelque chose à perdre. Alors, résumons. Snowden, pour ne pas trahir le peuple américain et pour ne pas trahir tous les peuples du monde, sachant que la NSA parvient à emmerder des gens partout, décide de dire ce qu'il sait. À partir de quoi, Obama, belle gueule, sourire contenant, lance un mandat d'arrêt international pour haute trahison. Pour résumer, et tous les Européens vont suivre, la France, la Belgique, les Pays-Bas. Donc pour résumer, voilà quelqu'un qui, pour ne pas trahir les gens que nous sommes, est en état de haute trahison. La seule chose qu'Obama lui a promis, c'est qu'il ne passerait pas sur la chaise électrique. Quand on lui promet qu'il ne passerait pas sa vie en prison ou en asile psychiatrique, c'est pas vrai, parce qu'aux États-Unis, il est fou. Ça, c'est la pensée politiquement correcte. Alors maintenant, sortez cette zone de confort, regardez ce qui se passe quand vous êtes sur le net avec des gens qui sont fâchés. Pas de raison. Ils sont tous complotistes. Ils sont tous complotistes. Tu peux définir complotiste ? Voilà. Tu peux définir complotiste parce que tu emploies le mot. Complotiste ne veut rien dire, puisque finalement, on est dans un monde de poids et de mesure où l'establishment dicte ce qu'il faut dire et penser, ce qui est correct et ce qui ne l'est pas. Donc finalement, comme ils ont gagné, on n'est pas en train de dire qu'ils se font un complot. Ils ont gagné. C'est nous qui sommes rangés parmi les complotistes parce qu'on tâche, d'une manière ou d'une autre, de retrouver des bribes de liberté. Voilà. Merci à vous. Tu souhaites réagir, Antoine, ou quelqu'un d'autre souhaite réagir sur ce qui vient d'être dit? C'est vrai que Snowden, comme exemple de passage dans la zone du dehors, c'est assez frappant. Juste par rapport à ça, en fait, moi, j'ai vu très récemment, là, sur Arte, rediffusion, là, il y a une vidéo qui s'appelle Meeting Snowden, et elle est disponible encore 20 jours. Donc voilà, c'est hyper intéressant, c'est un rendez-vous, un entretien entre Snowden et deux autres personnes qui parlent justement de comment défendre la démocratie, et c'est vraiment vraiment intéressant, et c'est tout à fait ça, c'est au niveau de la zone du dehors. Mais il dit que c'est à partir du moment où ça a été trop dur pour lui de garder tout ce qu'il savait, qu'il a voulu sortir de la zone du dehors, enfin sortir de sa zone de confort pour dire aux gens ce qu'il savait. Mais il ne s'attendait pas forcément à ce que les gens réagissent comme ça. Voilà. Mais c'est vraiment très intéressant. Oui, et peut-être parce que ça ajoute à ce que tu disais tout à l'heure sur le. La jeunesse. J'ai perdu le fil. Snowden a un point de vue assez radical sur la société et l'organisation de la société. C'est un regard très américain et un peu libertaire. Et du coup, quand il plaque toute sa vision de la société et donc sa vision du monde d'une manière un peu américaine sur les choses qui sont réalisées dans d'autres pays, il est choqué, il est confronté à certaines... à des choses qu'il ressent comme des horreurs. C'est les mêmes choses qu'a ressenti sans doute Chelsea Manning quand elle a vu, il à l'époque, a vu que les États-Unis tuaient des civils à coups de drones, et qu'il a été révolté et qu'il a donc révélé toutes ces informations via WikiLeaks. Ce qu'il faut, à travers ces gestes-là, il y a déjà deux choses que je voudrais faire remarquer. La première chose, c'est qu'il révèle ces informations sans vraiment connaître le prix qu'ils vont payer. Ils savent bien qu'ils transgressent un interdit, que c'est un tabou. Ils savent bien qu'il y a une forme de trahison d'un serment qu'ils ont posé. Mais ils ne savent pas très bien ce que ça va provoquer derrière. Ils ne le font pas pour provoquer quelque chose. Ce n'est pas un calcul. C'est quelque chose avec une intention. De faire réagir le monde, et pour qu'il pour revenir, pour garder quand même un lien avec le sujet de départ, pour faire en sorte que les gens sortent de cet entre-soi et dans cette zone de confort dans laquelle ils sont, pour remarquer que entre les choses dites par une société américaine, entre les valeurs défendues par une société américaine et les valeurs appliquées en termes militaires sur les peuples irakiens ou syriens ou d'autres populations en Afghanistan, il y a un grand écart. Et donc ce cri d'alarme, c'est toujours plus difficile, je trouve, de tirer cette sonnette d'alarme avant que de la tirer après. Je crois que la France a eu une sorte d'éclair de voyance, de lucidité lorsque Chirac à l'époque et De Villepin ont refusé d'intervenir en Irak, et là à ce moment-là il y a eu beaucoup de manifestations de manière préventive, et ça C'est très rare en fait de savoir avant la conséquence de ses actes. Aujourd'hui, on sait que Macron est en train de passer un certain nombre de lois et de par ordonnance pour changer les conditions de travail. À peu près personne ne réalise de quoi il va s'agir, mais j'ai la sensation que la mobilisation pourrait être nettement plus importante vis-à-vis de ce qui va vraiment changer dans nos vies avec ces lois. Mais la mobilisation a du mal à se faire. Parce qu'il y a ce truc-là, en préventif, on a énormément de mal à se mobiliser parce que la société dans laquelle on est, on a de moins en moins confiance. Peut-être qu'à l'époque de Chirac et d'Irak, on avait confiance qu'avec l'ONU, on arrivait à changer quelque chose. Mais aujourd'hui, j'ai la sensation que même avec un conseil constitutionnel, même avec des syndicats mobilisés dans la rue, même avec tout ce qu'on a pu faire avec Nuit Debout, on a à moitié réussi à bloquer le pays. Même malgré ça, il n'y aura rien qui sera fait. Donc il n'y a pas de recours et on ne peut pas avoir confiance dans un système qui ne permettra pas de lutter contre ce monde qui va advenir. Et c'est un peu ça qui me fait peur, c'est-à-dire que progressivement, au fur et à mesure qu'on se bat, qu'on lutte de manière préventive contre des visions de la société, et on s'enferme, où les gens construisent autour de nous des barrières de stéréotypes. J'entends beaucoup Benjamin Grimaud, là, qui est candidat dans cet arrondissement, qui rejette comme ça les manifestants comme si c'était des gens qui étaient opposés par principe, mais alors que ça fait des années qu'on connaît l'effet du système néolibéral sur le travail et sur les gens et sur les individus. On sait depuis des années que tout ça va écrabouiller les vies de nombreuses personnes et que ça va éreinter des avenirs de jeunes et d'adultes, et que les retraites vont en plus être complètement amputé par cette CSG, et qu'ensuite il y a d'autres choses qui vont venir. Enfin, c'est tout ce système-là d'austérité qui va être déroulé comme ça, qui va écraser tout le monde. Et lui, il écarte ce truc-là en disant, mais de toute façon, tout ça, c'est des gens ringards qui sont dans l'ancien monde. Et c'est horrible de se voir confronté par des gens qui sont dans le système depuis des années, d'être rejetés dans un ancien monde où eux-mêmes font partie, et nous, finalement, on essaie de le construire. Donc cette projection dans le monde du dehors, on essaye, nous, plutôt de construire quelque chose de nouveau, de proposer, en disant attention à ça, attention à ça, attention à ça, encourageant le changement, encourageant l'échange et le partage. Et hier, je travaillais avec des amis, on était en train de faire des affiches pour le concert en Castres debout, excusez-moi. Mais... Et on était en train de travailler, et puis en même temps, on était en train d'échanger sur la place. Et pour moi, c'était ça, un peu Nuit Debout, c'était le travail et le partage. Et pourquoi pas, ça serait pas ça, au fond, le travail, quoi. C'est être dans un fonctionnement d'égalité, de tranquillité, avec ce qu'on fait, avec ce qu'on est. Et si on est trop fatigué, on arrête, et on passe ça la main à quelqu'un d'autre. Et on enchaîne comme ça, plutôt que d'être dans une situation qui va être créé par les lois Macron, qui est une situation de peur, avec cette situation des prud'hommes. J'arrête là, excusez-moi, je prends vraiment beaucoup trop longtemps la parole, ça fait longtemps que je ne suis pas ici. C'est avec cette loi sur les prud'hommes, vous vous rendez pas compte, mais basé sur un critère défini, ça veut dire qu'en fait, vos vies ont un prix. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un veut vous licencier, veut vous virer, il sait très bien quel prix il va mettre là-dessus. Et c'est pas juste. Et ce n'est pas juste parce que nos vies n'ont pas tous les mêmes prix. C'est pas un critère, c'est pas un barème, c'est pas un ticket de métro, quoi. Nos vies de labeur, nos vies de travail, nos engagements dans une société ont un véritable sens. Et on le construit nous, avec nos contextes, avec nos collègues, avec nos amis, avec la société dans laquelle on vit, avec nos enfants, notre famille, etc., on construit ça. Et tout ça, c'est un coût qui nous est propre. Et le fait de vouloir mettre un barème là-dessus, c'est à peu près comme vouloir mettre un barème sur des machines à produire, quoi. Et on n'est pas des machines. Et c'est ça la vision du système macronien, quoi. C'est une vision où l'être humain est une machine à produire. Et on va se retrouver dans un monde qui pour eux est un monde de confort, pour eux est une zone de confort, mais pour qui? Pour les patrons, pour les gens qui prévoit des dépenses financières pour les entreprises. Mais pour l'individu, nous, non. Nous, ça va être une zone, une zone d'écrasement, quoi. Une zone de compression dans laquelle il va falloir qu'on rentre dans un moule. Et on n'en sort pas, et on n'en sortira jamais si on continue à accepter ce genre de choses. Et même si on le dit préventivement, bah, y a quelque chose qui a été cassé parce qu'on n'a plus confiance dans le système pour pouvoir changer les choses. On a l'impression qu'avec les lois, la lutte contre la loi travail n'a rien donné. Et pour preuve, le mec qui a initié la loi travail est devenu président de la République. Donc du coup, comment on va faire? Comment on va faire pour changer de manière préventive les choses? Sur quoi on va pouvoir s'appuyer, quoi? Je pense que tu vas être prêt pour nous faire une intervention sur le capital humain prochainement. Merci pour cette intervention. Je pense que, pour rebondir sur ce que tu as dit, voilà, la nécessité, c'est justement de penser le dehors. Tu vois, tu parlais, on est complètement pris là. On est à la fin de l'intervention. Enfin, n'hésitez pas si vous avez encore des choses que vous souhaitez ajouter dessus. Si vous voulez aussi nous proposer des interventions, là par exemple, voilà, c'est une intervention suite à la lecture d'un livre. Oui, madame. Bonjour tout le monde. On est là en 2017 et la question c'est est-ce qu'on y est vraiment? Est-ce qu'on est à la bonne place? Est-ce qu'on est dans nos vies, dans nos actions? Est-ce qu'on forme vraiment un pays? Est-ce qu'on est à l'intérieur de nous-mêmes encore à se poser des questions? Pourquoi la société est devenue aussi difficile? Ça, c'est ce que tout le monde se pose comme question. Mais est-ce que soi-même, on n'est pas justement suffisamment ouvert d'esprit pour aller voir ailleurs? Le matériel, c'est une chose qui s'acquiert, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier qu'on a une vie qui passe et que quand on regarde derrière, il faut vraiment aimer sa vie, il ne faut pas regretter ce qu'on a fait, il faut oser être soi-même, il faut croire en nous, en nos rêves, en nos désirs et il ne faut rien lâcher là-dessus. Si une vie, c'est ce que vous êtes, c'est unique au monde, ça ne sert à rien de se comparer à son voisin sur une voiture ou une maison. C'est vraiment personnel. Et puis, le bonheur, il existe, mais en nous, on ne peut pas le trouver ailleurs. Et c'est vrai que la société de consommation, à l'heure actuelle, elle est une vitrine à bonheur. Alors là, vous faites le tour comme ça, voilà. Vous n'avez que des magasins. Vous choisissez votre case à bonheur et vous serez heureux. Mais ce qui est bizarre, c'est que tous les jours, ça recommence. Parce que ben, lundi, c'est un t-shirt. Mardi, c'est une chaussure. Et puis... on va faire ça 365 jours de l'année, plus les années bissextiles, on n'en a peut-être pas assez. Puis ben, on va rajouter les dimanches, puis pourquoi pas les jours fériés, puis on va peut-être même inventer plus de jours dans le calendrier pour consommer encore un tout petit peu plus. Alors on est en France, on a la chance de pouvoir prendre un micro et s'exprimer sans se faire tirer dessus, contrairement à certains pays. La liste est longue, hein. C'est ce que vous voulez. On a énormément de ressources dans ce pays. On a une jeunesse qui rêve de chanter, de danser, de bouger, de construire un monde à son image. Et ils ont aussi du cœur dans les cités. Ils ont une âme, il y a des éducateurs qui font un travail magnifique tous les jours, qui remplacent un peu les parents, qui les aident, qui les soutiennent. Il y a énormément d'associations, dont dépend la France, qui font tenir ce pays debout, que ce soit le Resto du Cœur, la Croix-Rouge. Il y a le Croissant islamique aussi. Toutes les communautés se sont mobilisées ici pour chacun d'entre nous. Et je pense que personne ne peut avoir honte d'être qui il est, parce que c'est une réalité. On a des choses merveilleuses à faire. Je pense que chacun a des projets. Mais est-ce que le gouvernement qui va arriver va accepter justement d'accompagner nos projets. Nous, on croit déjà en nous, ça c'est pas un problème. Mais eux, ils se sont peut-être refermés sur eux-mêmes. Et ça a fermé énormément de portes. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que Français? Est-ce qu'il faut qu'on soit obligé de s'unir aux autres pour trouver une force à l'étranger? Il ne faut pas oublier qui vous êtes. Moi, je suis métisse. J'ai des origines de l'île de la Réunion, de la Grèce. Je suis aussi originaire de l'île Maurice, de Madagascar. J'ai mes racines en France et en Norvège. Et j'ai énormément d'ancêtres qui ont bougé de par mon histoire personnelle. Et il y a des vies, des histoires de vie où des gamins à 16 ans n'hésitaient pas à aller réaliser leurs rêves. Il y a un siècle, il y a deux siècles, c'est mes ancêtres. Et ils ont osé. Et il faut oser être soi-même, oser être libre. Vivez votre liberté. N'ayez plus peur. C'est la seule solution pour la mineure. Si vous êtes bon au fond de vous-même, les gens le verront. On ne peut pas mentir sur sa propre identité. C'est une identité, c'est pas un morceau de papier ou un facteur. De cette zone de confort qui serait plus la nôtre, qui serait différente. Je sais pas, c'est juste une question, c'est peut-être juste de la sémantique et du vocabulaire, mais finalement, je sais pas, parce que du coup, on fait une grande opposition depuis tout à l'heure, et au final, toutes les interventions qu'on entend, c'est ouais, mais voilà, moi, il y a ce qui me dérange, les lois Macron, etc., les lois travail, tout ça, et on parle toujours de rouleau compresseur, etc., donc en fait, on est déjà plus dans une zone de confort. Et est-ce que du coup, en allant dans les catacombes, comme tu le disais, sur les toits de Paris, à la campagne, etc., recréer un monde, un nouveau monde qui est différent de celui dans lequel tout le monde vit, dans lequel on est opprimé, est-ce que du coup, on n'est pas en train de recréer une zone de confort quelque part? Et c'est pas forcément un mal, hein, justement. C'est peut-être on a très bien. Mais justement, est-ce qu'il faut vouloir être en opposition ou en adhésion avec quelque chose qui nous est plus propre? Et du coup, comme il y avait la question tout à l'heure de comment faire pour que les gens se réveillent et disent bah ouais là il y a un truc qui va pas, faut qu'on change. Est-ce que c'est en leur montrant qu'ils sont dans leur zone de confort ou plutôt leur dire bah peut-être que vous êtes dans votre zone de confort mais il y a des choses qui clochent. Et c'est ces choses qui clochent qu'il faut faire comprendre pour montrer qu'il y a quelque chose qui dérange et qu'il faut recréer une zone de confort. Enfin, bref, presque plus utopique en fait. Voilà, c'est juste une question. S'entendre de la logique binaire aussi. Du coup tu conclus? Alors d'abord pour te répondre, en effet, là toute la discussion qu'on a eue, elle était très binaire, mais je pense que la solution, le chemin à prendre, il n'est pas du tout binaire, il n'est pas du tout en se disant, il faut absolument, en se projetant une zone du dehors qu'il faut atteindre, et puis se dire, je vis dans une zone du dehors, et le décréter, et puis mener une espèce de vie ascétique complètement sectaire. Non, c'est un chemin. On est dans le transversal, en fait. C'est-à-dire on est en permanence en train de négocier entre zone de confort, zone du dehors, ça s'entremêle. L'important, c'est juste, de percevoir ces deux axes. Voilà, c'est juste concevoir les deux axes et se dire que notre vie, notre action quotidienne, à long terme, politique, familiale et autres, machin, ben, en fait, c'est un cheminement sur ces deux axes et vers quoi on tend en fonction des circonstances et autres. Et voilà, je pense que c'est toute une négociation. Donc, je dirais pas que, en effet, toujours se méfier du binaire, mais en même temps ne pas rejeter le binaire parce que ça nous fournit deux dimensions sur lesquelles on peut évoluer, réfléchir et agir. Alors je vais conclure avec la lettre. Donc on parle de la zone du dehors de Damasio, qui est un bouquin de SF qui est paru en 99 et qui annonce beaucoup de choses, beaucoup de thématiques du monde militant, de la lutte contre le système en fait. Et ça se passe donc en 2084 sur un satellite de Saturne où l'humanité a créé une sorte de société parfaite, contrôlée, magnifiquement bien contrôlée, et où en fait il n'y a aucune liberté, on est dans une société du contrôle. Et donc elle est sous dôme et cette cité s'appelle Cerclon. Alors je vous lis la postface de la seconde édition qui date de 2007, juste après l'élection de Sarkozy, qui a été écrite par Alain Damasio à l'occasion de la République, la réédition de l'ouvrage. Donc Damasio a écrit « Puisque j'ai mis ce livre, voulu sabre pour sa tierce édition, à retrempe dans ma forge, moins pour durcir que pour en affiner la lame, permettez que je m'en serve, mes frères d'armes, pour éventrer une actualité qui nous rapproche, à pas chasser mais sûr d'un cercle long quotidien. J'avais commencé la zone en 1992 à Kiev, à 22 ans. Je croyais voir loin, être en avance. Aujourd'hui, l'ADN sert à retrouver un scooter volé. Le mobile nous localise au mètre près et, dans la rue, on vous demande par haut-parleur de ramasser un papier jeté parce que votre ville anglaise est quadrillée de caméras. Avec les puces RFID, bientôt logées dans chaque produit, ce sont vos chaussures qui vous diront quand elles sont assez usées pour mériter un nouvel achat. Ils n'ont pas seulement neutralisé Rimbaud à force de recyclage massif. Ils ont inventé l'homme aux semelles de vente. Heureusement, la politique progresse grâce aux consultants. L'affecting arrive en douceur à maturité. On ne manipule plus seulement les mots, images et événements. On travaille désormais sur le timbre des voix et sur leur débit, les respirations et les silences, sur la gestuelle du candidat, sur l'inconscient des postures. D'un pitbull sec et glaçant dont les crocs claquaient à chaque syllabe, ils ont fait en 6 mois un labrador rouge et bleu à la voix grave et posée qui nous abroie en continu la France de demain. J'appelle ça la narcose Sarkozy. C'est votre sommeil qui l'entretient, citoyen, quand ce n'est pas votre propre désir de chef, de père et de contrôle. J'exagère ? Parce que je n'accepte pas qu'on nous gère, disent-ils, pour mieux nous piétiner ensuite. La liberté n'est pas le monopole des riches. Je trouve juste important ça, reprendre la main, ensemble. La liberté, elle est pour moi ce dehors, intérieur à chacun de nous, dont ceux qui nous gèrent voudraient tant faire une zone, ou mieux, une norme. Sachons nous ouvrir pour agrandir cette poche qui est poumon et venue pulsif. Osons même, parfois, élargir la cicatrice et refuser le cocon consumériste, les consolations et les soins, parce que ça fait mal d'être libre. Voilà, merci.